Alors, yes, avec la mitaille rose. Les yeux en rastaman qui a passé, c'est pour yofra ma yo la porte que yo la fenêtre. C'est. Je dis ma gueule. Bon, il y en a qui a fini par dire pas ça. Les restars, ils auront toujours du mal à se vivre dans la société. C'est big respect pour ces Rasta. C'est big pop pour ces Rasta. C'est Rasta qui nous y est. C'est Rasta, yes, aya. Yeah.